Déchire ta vision jusqu'à voir l'infime. Reste pas infirme, toi qui ne penses qu'aux femmes et à la frime. Observe le monde, car de toute façon, lui, il t'observe. Ne pense pas qu'on peut gagner tous les combats avec un glaive. N'attends pas la relève, respire, ici c'est marche et crève. Il est bien loin du paysage peuplé par Adam et Ève. Tes moments de bonheur, tes inquiétudes, le long du chemin c'est l'hiver et à vrai dire le temps est rude. Et toi, étudie, sois érudit, laisse un peu l'intelligence sortir de ta tête où elle est trop souvent blottie, tout ça est sordide. La face du monde paraît livide. Ce système d'enculés nous absorbe comme nous on prend des acides. C'est indécent, pas besoin de te faire un dessin. Mais ça semble évident pourtant, quand même qu'ici l'homme descend du singe. Ce monde m'étouffe, chaque jour ne me paraît semblable. On me dit sans blague, mais comment vivre semblable à dans ce monde de dégénéré où des dingues nous condamnent. J'ai l'impression d'être aussi aware que le serait Vandamme. Je m'efforce d'arracher les corps sur l'arbre de la haine et la situation se corse quand je perçois ce corps de Le Pen. Je vois qu'on s'y acclimate à cette bande de primates et la fuite de la connerie. Dites-moi, quand est-ce qu'on la colmate? C'est indécent. Pas besoin de te faire un dessin. Mais ça semble évident, pourtant quand même qu'ici l'homme descend du singe. Des bouts de phrases, car c'est par morceaux qu'on construit un monde. Histoire d'étaler notre cerveau, nous faire entrer dans la ronde. Que le tempo passe sur les événements antérieurs et que le flow serve de batte pour venir botter leur postérieur. Car triple croche après triple croche à bout de force, je continuerai quand même d'arracher l'écorce. L'arbre se brise et tient le roseau dans la brise. Passe la crise, le peuple meurt, mais pas l'entreprise. C'est indécent, pas besoin de te faire un dessin. Mais ça semble évident, pourtant quand même, qu'ici l'homme descend du singe.